Voilà mon parcours professionnel. Il ressemble à beaucoup d'autres. D'abord, j'ai fait un stage dans une entreprise de produits chimiques, au département commercial. Ça a duré un an. Je n'ai reçu aucun salaire, mais bon, la formation a été intéressante. Après, le stage s'est terminé et je suis resté 6 mois avant de trouver un emploi. J'ai passé des dizaines d'entretiens, rien. Là, ça a été très dur. J'ai quand même fini par trouver une place dans une boîte de produits pharmaceutiques. J'y suis resté 4 ans. Et puis, j'ai été licencié. Maintenant, je suis au chômage depuis 1 an. Mais je pense que tout est sur le point de changer. Enfin, je viens d'obtenir une subvention pour monter une petite entreprise. C'est toute une aventure, mais j'ai confiance en moi et je veux croire en l'avenir.